Chapitre 12. Thibaut n'est jamais content. Tiens, Thibaut, ça va ? Oui, moyen. Qu'est-ce qui ne va pas ? C'est difficile, ici je ne connais personne. Ah bon ? Tu ne travailles pas ? Si, bien sûr, mais... Tes collègues ne sont pas sympas ? Si, ils sont gentils, mais le problème, c'est le week-end. Je ne fais rien. Personne ne téléphone, je ne vois personne. Ce n'est pas possible. Tu n'as pas d'amis ici ? Non, je n'ai aucun ami ici. Tu ne connais pas tes voisins ? Non, je ne connais aucun voisin. Mais enfin, et tout le monde connaît ses voisins ici ? Tu vois toujours Grégoire ? Eh non, justement, je ne vois plus Grégoire. Je ne sais pas pourquoi. Où est-ce qu'il travaille maintenant ? Aucune idée. Il n'habite plus à Poitiers, en tout cas. Vous vous téléphonez ? Non. En fait, on ne se téléphone jamais. C'est triste, tout ça. Et le week-end, qu'est-ce que tu fais ? Tu vas au cinéma ? Tu sors ? Non, je ne vais jamais au cinéma. Tu sais bien que je n'aime pas du tout le cinéma. Mais tu peux sortir, aller dans un café, parler à des gens. Oui, quelquefois je vais prendre un café dans un bistrot, mais jamais personne ne me parle. Si je comprends bien, personne ne m'aime. Arrête d'être si passif, si négatif. Ce n'est pas une catastrophe. Allez, viens, on va déjeuner ensemble. Et ne dis pas que personne ne t'invite. Mais je ne suis pas négatif. Tu ne comprends jamais rien.